je regarde plus rien à faire, donc laissez tomber. Appelle ton soudé, on l'était au début. Je verrai plus jamais l'équipage au complet. Parce que dans mes potes, y'avait des fils de pute. Et les vrais de vrais sur mes doigts, je les compte. Et les vrais de vrais, comment je les ai comptés? Des tirs complètes, pis des soeurs et fondeurs. Rentre pas ce soir, cette vie est pénible. Bizarrement devant moi, elles sont toutes célibres. Parce que je suis mignon, parce que je suis célèbre. N'y va pas gros, on voit que t'as peur. Je t'en voudrais jamais si je vois que t'as peur. Je connais des fous et des vrais, t'as peur. Je connais des gens, c'est des spectateurs. Je connais des gens qui respectent l'heure et d'autres qui connaissent même pas la rêve. Je connais des mecs qui baiseront ta sœur. Comme quoi tu peux te faire trahir par des vrais. Je suis dans le bolide, dans le assis, dans l'autorisant. Je suis tout seul, je suis sur le but, tu sors de péter le bâton. Si j'ai dit la putain de là avec tes biches pétasses. J'entends cette bombe, je reprends ton bifcast. Nouveau Toshi, nouveau Yankee, nouveau billet. Nouvelle recharge, qu'est-ce qu'un pour ma vie. Nouveau bolide, nouvelle tremont, nouveau problème. Nouvelle album, nouveau compte. Hey, on n'a pas de compte à leur rendre. Non, jamais, jamais, jamais, jamais. Même si tout s'arrête, je te jure la vie de ma mère qu'on fera des gros salaires. Elle s'est paillée, son nom, je me bats avec la feuille pour enlever le collant. Non, jamais, jamais, jamais, jamais. J'ai grandi, ça fait des années, années, années. J'ai compris qu'il fallait juste faire du stage. La gueule de ces putains en rabais le bout d'un pourtant, je rentrais dans ma vie. Heureux dans les poches, est devenu maladie. Et t'es dans mes poches, j'écoutais la ligne. Je voulais une carte de buteur à Paris, Manchester. Mais j'ai fini dans la zine. Ah ouais, mais j'ai fini dans la zine. On a tous des sous à l'équipe, on a tous des meurs pour la guerre, donc on pourra travailler l'ascenseur. Je vais pas finir en peur, je finirai pas tout seul, non, je finirai pas tout seul. Je suis dans le bolide, dans le assis, dans mon storytime. Je suis tout seul, je suis sur le bus, tu sors de péter le pacte. Si j'ai dit là, putain de là avec tes biches pétasses. Là tu râles, j'entends cette femme, je prends ton micasse. Nouveau Toshi, nouveau Yankee, nouveau billet. Nouvelle recharge, qu'est-ce qu'un rapport.